Saint-Jean, chez les frères, des coups de règle sur les doigts, la discipline de fer. Mais je crierai toujours merci à cette gentille maîtresse pour tout ce qu'elle nous a transmis. Sinon, je crois que pour le reste, j'ai tout appris dans la rue. Pour être libre, m'a dit.